Nous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur. Nous saluons nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Nous vous souhaitons un bon culte ce soir. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, nous lirons dans Romains 10. Leo tasoma mwa Roma 10. Romains 10, versets 8 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Nous ajouterons aussi Galates 5, 6. Tutengeza wa Galatia 5, sura ya 6. Que dit-elle donc? Tutasema nini? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Neno kando kando na weye, ndani ya kinywa yako, na ndani ya moyo wako. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Wajapo ni neno la imani tunahubiri. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Kama unakiri kinywa yako Bwana Yesu Kristo na kama unaamini ndani ya moyo wako unasema Mungu alimfufua utaokolewa. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Kwani na kuamini kumoyo ndio tunafikia kuwaki. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Galates, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Seigneur, nous voici dans ta maison à tes pieds. Il y a d'autres, c'est depuis le matin qu'ils sont dans ta présence, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole que nous ne te cherchons jamais en vain. Tu dis la vérité, Seigneur. À celui qui frappe à la porte, tu lui ouvres la porte. Anagonga kumulango na mfunguri yaka. C'est lui qui crie à toi, Seigneur, dans la foi, tu te révèles à lui. Waula kulalamikia katika imani unajifunaka kwake. Et tu ne renvoies jamais à vide ceux qui viennent devant ta face main vide. Na aurudishake kwa bure ula na kwa mwepu yako mikono ya bure. Que notre petit culte de ce soir puisse être agréable à toi. Ibada kidogo kwa imangaribi pate kupendeza Bwana. Sous le sang de l'agneau de Dieu. Chini ya damu ya mwana kondoo wa Mungu. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Pouvons-nous asseoir? Nous, je crois, par la grâce de Dieu, je vais terminer aujourd'hui. Le témoignage de Dieu est grand. Hier, nous avons abordé sous l'aspect de la foi. Comme les Écritures le disent, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Imani ni hakikisho ya nguvu ya vitu vile tunatumainia. La foi aussi imani est nae, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ni kuonekanisha kwa vitu bila tuone. Et pour avoir eu cette foi, anjua kupata ile imani, les anciens ont reçu un bon témoignage. Au verset 6 de Hébreux, nous connaissons que quiconque s'approche de Dieu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Devant Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a la vie éternelle. Il y a le Saint-Esprit, toutes sortes d'expériences bibliques sont devant lui. Mais la monnaie qu'il exige, c'est la foi. Et cette foi ne vient pas de l'homme. Dieu nous la transmet. C'est la foi de Dieu que nous recevons. Quand nous écoutons sa parole, elle ne vient pas de l'homme. Cette fois-là, il n'y en a qu'une. Comme Ephésiens 4 nous dit, Ephésiens 4, verset 5, nous dit qu'il y a qu'une seule foi. Là, on commence, il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y en a pas deux sortes, trois sortes de foi. Une seule foi. Qui nous a été transmise. Une fois pour toutes, à tous les saints. Malamoa kwa lote kwa takatifu bote. C'est Jude qui le dit. Ni muyu wa Yuda. Au verset 3, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Alléluia. Amen. C'est l'unique foi de Dieu. Elle a été transmise depuis le temps des apôtres. C'est pour cette foi-là que nous combattons jusqu'aujourd'hui. C'est la foi du même prix que celle que Paul Pierre avait. Ni imani ya bei mwamua ile Paulo na Petro barikuwa nayo. 2 Pierre chapitre 1 verset 1. Petro apiri sura kwanza. Simon Pierre serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Simon Petro mutumishi na wa Yesu Kristo. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Kwa bale barigawanya imani ya bei mwamua na shie. La même foi que nous professons aujourd'hui. C'est la même foi que Paul avait professé en son temps. C'est la même foi pour laquelle Frère Branham a combattu. C'est la même foi dans laquelle Frère Frank se trouve. C'est la même foi que vous avez aujourd'hui. Amen. Cette foi-là, elle nous élève au-dessus de la mondanité. Elle triomphe de la mondanité. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, c'est une écriture que vous connaissez bien. 1 Jean chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La foi est agissante, c'est pas l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La parole de Dieu ne peut pas être une corvée. Cela n'est pas pénible. Aina ya muziko. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Oui, mes frères. Dio, pourquoi j'aime ma femme? Comment je vais lui donner des choses impossibles qu'il ne peut pas supporter. Tout ce que je lui dirai, ça doit être imbibé de l'amour. Tout ce que Dieu nous parle, c'est dans l'amour. Même quand il dit à l'une de tes prières, non, pour ce que tu demandes là. Le nom de Dieu nous fait du bien. Parce qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Sababu anajua kile tunahitaji. Mieux que nous-mêmes. Anatujua mzuri kushinda hata sisi wenyewe. Alors la parole de Dieu ne peut pas être une corvée. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Maamri ya Mungu haiwezi kuwa mzigo. J'avais un ami avant-hier. Niko ana kitu moi. Mais je dis qu'est-ce que le mot effort ne se retrouve pas dans la Bible? Kujikaza est-ce qu'il y a pas dans la Bible? Dans la Bible il y en a. Mu Biblia mko effort kujikaza. Les efforts sont là. Kujikaza kukwamo. Quand ma femme fait des efforts pour me plaire. Wakati mke wangu anajikaza cha kumpendeza. Pour que je la prenne en mariage, elle est déjà dans le mariage. Akifanya njuni mpate kumuoa. Quand nous faisons des efforts pour plaire à notre Dieu, ce n'est pas pour qu'il nous sauve, il nous a déjà sauvés. Nous ne voulons pas le blesser à cause de l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. Parce que tout ce qui est de Dieu, qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amina. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelle sorte de foi que tu professes qui fait que le monde te domine? C'est lui qui a une véritable foi. La foi l'élève au-dessus de la mondanité. Pour lui vivre la parole, ce n'est pas une corvée. C'est naturel. Il aime Dieu. Amen. Même Frère Branham dit, à propos de la foi, que la foi doit nous élever au-dessus de la mondanité. Pourquoi ça ne t'emmène pas à marcher au-dessus de la boue du dans monde? Dans la prédication, l'eau toujours présente du rocher. Du 23 juillet 1961. Et Branham dit au paragraphe 152. Il dit ceci. Quand vous êtes sauvés, Dieu vous donne la foi. Mungu anempatia imani. Ni zawadi ya Mungu. La foi vient de Dieu. Imani yatokea kwa Mungu. Pour vous élever. Sortir de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Qu'est-ce que votre foi? Votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous pour vous faire, vous un fils de Dieu. Imani mule tendo Mungu alifanya ndio kufanya wewe ukue mtoto wa Mungu. Vous cessez de mentir. Unaacha kulanda. Vous cessez de voler. Unaacha kuiba. Vous cessez de boire. Unaacha kunya. Vous ne pouvez pas professer la foi mais vous continuez à boire. Hawezi kukiri imani lakini unaendelea kunywa pombe. Et les boissons vous dominent. Na pombe inakutawala. Vous n'avez pas reçu la foi de Dieu. Hapana kupokea imani ya Mungu. C'est la foi des hommes. Imani ya watu uliopata. Oui mes frères. Ndio bapen banduku. Amen. Amina. La foi, vous cessez de boire parce que votre foi vous élève au-dessus de cela. Munacha kunya sababu imani inakunyanyura yulu ya ile. Amen. Amina. Si vous ne le faites pas, kama ina vile, vous n'avez pas de foi du tout. Amuna na imani kamwe. Et c'est pas la foi na que vous imani, êtes sauvé. Kyo munacha kukolewa. Cela par le moyen de la grâce. Kupitia neema. Nous ne rejetons pas la grâce. Si atukatarake neema. Parce que le vôtre, sababu vengine, j'attendais le médicé, nashike banza nyambia, nous, nous avons reçu une grâce infinie. Si tout pokia nema bila kuisha bila mwisho. Dans la Bible, il n'y a pas de grâce infinie, il y a que la grâce de Dieu. Ou Biblia amkarake nema bila mwisho mukupa nema ya Mungu. La quantité de foi qui sera relâchée. Wingi ya imani iletachiliwa. C'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Jo wingi ya uwezo na mwanaweza kuwa nayo. Toutes les bonnes choses sont devant Dieu. Vitu vyote vizuri kumbele ya Mungu. Wewe unasema. Toi tu dis. Mambo yangu mimi ni natafuta ni 100 dollars. On paye moi je suis en train de chercher 100 dollars. Vous n'avez qu'une petite foi. Où tu n'as qu'à imaginer que vous avez 100 dollars. Dieu a repartir 100 dollars. J'ai prêché quelque part dans le Congo central. Il y avait un frère, un homme d'affaires qui venait de l'Angola. Beaucoup moins à rendre affaire bien cher à tout cas en Angola. C'était un homme d'affaires, il avait campagne de guerre, il allait en Europe. Allait en Europe. Alors, dans la ligne de prière, j'ai dormi aussi avec lui. J'ai dit, frère et moi, je voudrais que Dieu me donne 1 million de dollars pour mes affaires. Je lui ai dit, mais c'est peu. Non, mais quand je vois les activités que tu fais, pourquoi ne pas demander à Dieu 3 millions? Dieu a dit, on peut nommer 3 millions. Quand vous demandez 1 million, pourquoi? Dieu a demandé 1 million. C'est vous qui mettez la limite à ce que vous voulez recevoir. Et je priais pour lui. Le Seigneur lui a accordé. Mes frères, la quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux. Enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu hérite quelques caractéristiques de son père. Et qu'on a riti comme un fano moi à baba yake. Celui-ci ressemble à son papa, la façon de parler, textuellement comme son père. Nous aussi nous ressemblons à notre père. Notre père, il est créateur. Et toi aussi, tu es créateur, un petit créateur. Un créateur miniature. Je vous ai lu hier. Quand il s'étonnait de ce qui était arrivé au figuier, il a dit, si vous avez la foi, vous ne verrez pas seulement ce qui a été fait. Amuta kausha paka muchi. Ah, au figuier. Amuta lani paka muchi. Si vous dites à cette montagne. Lakini kama nambia imulima. Et vous ne doutez pas. Na aushakie. Vous verrez la chose accomplie. Utona kitu kitatimilika. C'est ça la foi que Dieu nous a communiqué. Imani ile Mungu alitupatia. Anasema. Parce que en vous habite la puissance pour créer les cieux la terre. Dieu ndani yenu mko uwezo wa kuumba mbingu na dunia. Dieu habite en vous. Mungu anakaa ndani yenu. Vous êtes fils et filles de Dieu. Na uko binti ya kina kiana wa Mungu. Amen. Mujokie mwiko. Votre foi. Lakini imani yenu tu. Amen. Amen. C'est votre foi. Imani yenu tu. Qui fera tout. Dieu t'afanya kitu yote. Est-ce que vous avez suffisamment de foi? Eti mkuna imani ya kweneana kutosha? Oui, mes frères. Ndio banduku. Mais il y a les ennemis de la foi. Lakini kuba adui ya imani. La foi ne regarde pas aux circonstances. Imani ayangari yake kuma mambo. Il y a trois ennemis. Kuko ba adui tatu. Un autre prédicateur peut en donner 5. Un autre peut en donner, je ne sais pas plus. Les ennemis de la foi. Les circonstances que tu regardes. Ni mambo yale kunaangalia. Frère Branham dit, dans la petite prédication intitulée Une vie cachée. Maisha yenye kufichwa. Monsieur le fils. Octobre 1955, paragraphe 6b, il dit, je lis une phrase seulement, il dit ceci, si seulement, je regardais aux circonstances présentes. Paragraphe 6 là, je prends la deuxième partie B. En effet, le thème principal, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si mes yeux étaient fixés sur les moments présents, sur les choses qui se passent maintenant, je serai une personne très découragée. Amen. Ne regardez pas aux circonstances. Dieu, Mungu, il est maître du temps. Eko mwalimu wakati. Il est aussi maître des circonstances. Tena mwalimu wa manyakati. 2:21 nous dit. Jovile ba tambia. Il est le maître, c'est lui en qui tu as placé ta confiance. Ule utumainia na imani yako uliweka ndani yake. Vile mwanamke anapenda bwana wake. Comme la femme aime son mari. Le mal ne peut pas venir de son mari. Bubaya bwezi kutokea kwa bwana yake. Vous avez mis le mapendo mko ndani na badili yenu. Kenda mlamuke vous avez envers vos femmes. Mais pour autant. Muijestabu mitipie muizidishe. Le Dieu que tu es. Mungu lo kunai. Il a pouvoir sur le temps. Eko na uwezo yule akati. Il a pouvoir sur les circonstances. Eko na uwezo yule manyakati. Il peut les changer. Anaweza kuibadilisha. De moment à l'autre. Wakati fulani. Ayez confiance en lui. Mumtumainie. Alors il donne un exemple. Ça fait un panneau. Il dit qu'on avait fait un concours. Ah, c'est marrant, fanyaka concours. On avait placé sur l'eau une distance de 90 mètres. Bah, les pas mal, distance de 90 mètres. Et puis une petite planche de 30 cm. Bah, les gars, pas 30 cm. Et maintenant, on a dit. N'avanasema. Vous qui prétendez bien. Rouler au vélo. Roulez le vélo. Moi, kinga mzuri. Venez, vous allez traverser ce planche. Cette planche. Jusqu'à la fin. Kufika pala kumwisho. Si vous ne tombez pas dans l'eau, kama unkyo mai, vous aurez votre cadeau. Utapata. C'était une sorte d'un vélo, un vélo un peu qui dépasse. Qui dépassait les autres. Nkwani kinga moya yenye kupita kwa ingine. Maintenant, tout celui qui prétendait connaître rouler. Où le haut alianza kujitania sana wa kubula mzuri kinga. Alianza kukua pale. Moya kwa moya. Il prend. Alianza ba kinga. On lui donne une petite secousse. Na alianza patioka kwa kusuma kidogo. Quatre pédales. Kisha kupedale mara 4 mara 3. Il ne sait pas s'équilibrer, il tombe. Alianza baanza kushinda kushimama mzuri pale mbao na baanza kuanguka mai. Voyez mes frères. Unaona banduku. Tout celui qui se disait moi je peux. Ule wote anasema mitaweza bosi alijikutanisha. Anaita onka mai. Un petit garçon est venu. Kwa kiana kamoya kalakuya. Vous savez quand vous avez manqué. Wakati mwana shinda. Et que l'autre vient. Na mwingine anakuya. Vous devenez un peu colérique contre lui. Unakuwa mpe na makari unaanza shirikia ule mwingine acha kupima. Si baba yako tunashinda wewe ndio utafanya. Nous les parents nous avons échoué expérimenté. Mwache na apime. Le petit garçon a pris le vélo. Kaka zoto kanavia kingi. On lui a donné le petit sac. Bana msukuma kidogo. Il a roulé bonnement. Toto anabula mzuri. Simplement. Mzuri. Jusqu'à la fin. Kufika pana kumwisho. Amen. Amen. Maintenant, les autres vieux papas, ils se sont attroupés autour de l'enfant. Bana mzunguka mtoto. Ils ont posé la question. Bamuliza. Mais comment toi tu as réussi? La réponse de ces garçons-là. Ils disent que quand vous bousculez, misukuma, vous faisiez un peu des efforts pour maintenir le guidon. Mureanza kujikaza juu mushimamite mzuri le guidon. En faisant cela, vile, ça suscitait la nervosité. Et vous perdiez de l'équilibre. Mais moi, je ne fixe pas mes yeux sur mon guidon ou sur mon pneu, wala pneu de l'avant. Kuendelea kumbele, kumbele. Mais moi, je regardais juste à la fin. Mimi lianza kuangalia kumwisho. Je regardais au but. Lianza kuangalia kifukuzio. Eh, c'est la fin qui est glorieuse. Na ni mwisho ndio nekalaa utukufu. À la fin. Kumwisho. L'église que vous voyez dans cet état. Kanisa imbono na mwiye hali ya udhaifu. L'écriture dit. Andiko nasema. Le Saint-Esprit présentera cette église au Seigneur sans tache, irrépréhensible, irréprochable. Roho Mtakatifu tonesaka kanisa kumbele ya Mungu bila taka bila hata buchafu ya bila kemeo. Ne regardez pas aux circonstances. Mwangalie kwa mambo ya hapa sasa. Regardez à la fin. Mwangalie kumwisho. Qu'est-ce que vous regardez à la fin? Kumwisho mnaona nini? À la fin ya Kristo. Kumwisho kwa Kristo. L'auteur de la foi. Mwanzishi wa imani itunakiri. Na rendra parfait. Na yenjo atefanya iwe kamilifu. Regardez à la fin. Mwangalie kumwisho. La victoire, ushindi, c'est vers la fin. Est-ce que l'église est là? Et si kanisa kupale? Ne regardez pas ce que vous avez fait. le matin, asubuhi, vous réveillez, nalamuka, prenez une fois d'argent, on attend la feza, peuvent ne pas être bonnes. Mais c'est Dieu qui peut les changer. Ne regardez même pas à vous-même. Vous-même, vous êtes ennemi de votre foi. Dieu n'a jamais dit, ayez foi en vous. Ayez foi en Dieu. Amen. Amen. En vous, il n'y a rien de bon. Dani yako amuna kizuri hata kimoya. Est-ce qu'il y a tout pamoya? Parce que tous sont péchés. Sababu bote bari na zambi. Privé na bote bari. Funjo akuimani utukufu ya Mungu. Et puis, kisha, ne regardez pas aux autres. Uchangare kubatu wengine. Comme il n'y a rien de bon en vous. Sabire ndani yako amuna kizuri. Même chez les autres. Hata kwa jirani wako. Il n'y a rien de bon. Hakuna kitu kizuri. Paul dit, dans Hébreux 12, comme nous avons une grande nuée de témoins, saivi tu kolanguzo mnene ya bashuda, courons avec persévérance, tukimbie na kudumu, dans la carrière qui nous est ouverte, mwile kazi wanitafungulia, nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus, macho yetu yenye kuangalia Yesu Kristo, c'est lui l'auteur de la foi, yeye mwanzisho wa imani ile tunakiri. Quand vous regardez aux hommes, wakati mnaangalia watu wengine, Frère Frank dit, Dumfaka anasema, vous trouverez des choses qui vont vous scandaliser. Même à moi, il n'y a rien de bon. Frère Branham dit, même pas moi. Ne me regardez même pas moi, Branham. Ce serait une bêtise. Ce serait une grosse erreur. Ne regardez pas à Branham. Nous regardons à celui qui pouvait dire, qui peut me convaincre du péché dans ma vie. Il était l'agneau de Dieu sans faute. Mwana kondoo Mungu bila kosa. Le seul qui n'a jamais péché. Peke ula chatendaka zambi. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui l'objet de votre foi. Kina ya imani yetu. Fondé sur lui. Imani yetu yenye kutunga yulu yake. Dans Shalom du 19 janvier 61. Shalom ya 19 ya 64. Ya 1964. Au paragraphe 132, Frère Branham pose la question. Tournez vers quoi? Wapi? Vers Frère Branham? Branham? Vous seriez insensé de faire pareille chose. Kama unafanya vile utakuwa tu ni mpumbafu. Dans l'écriture que je vous ai lu hier. Niandiko ile nisome jana. Considérez ceux qui vous ont annoncé la parole. Muangalie bale ba mitangazia neno. Considérez la fin de leur vie. Mwangare mwisho maisha yabo. Imitez leur foi. Ufatilise imani yabo. Ce qu'on peut imiter. Donc c'est pas toujours ufatilisha. C'est la foi. Qui est toujours imani. Exercer dans le Seigneur Jésus. Il est beau par tout, mais qui est dans Yesu Kristo. Il n'a pas dit nous devons nous imiter eux les autres. Est-ce que c'est pas fatilisha beau ça bantu? Non. Apana. Vous seriez insensé de faire pareille chose. Tournez-vous vers Christ. Comme on a fait ami, on t'aura tout l'umpumba pour vous guérir Christ. Il est la parole. Tournez-vous vers Christ. Vous guérir Christ. Amen. Amina. C'est lui sur qui nos yeux sont braqués. Yenjo macho yetu na pasi kuangalia. Et il est où? Naiko wapi? C'est la parole que nous recevons. Ni neno yetu unapokea. Amen. Amina. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. La Bible dit, il n'est même pas de mauvaises nouvelles. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, même si c'est arrivé. Même si ça arrive. Nafika, il ne craint pas. Il n'y a pas de mauvaises la crainte. Dans Psaume chapitre 112, Muzaburi 112, écoutez l'écriture avant que je n'entame là où je vous ai laissé hier. Dans psaume 112, l'écriture dit, au verset 7, 8, oh, voilà l'homme. Cet homme-là, vous pouvez lire même à la maison tous les chapitres. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Moyo wake inaweza kushikamana na ana na boka. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Msiogope aizuru nini. Christ est vivant. Kitu ni hai. Le nombre d'années n'ont rien changé à ce qui est. Il est le même. Ya miaka haimubadilishi. Le même sentiment d'amour envers vous. Eko vile mwamoya anachunga mapendo mwamoya kwenu. Vous avez découvert que Dieu vous aime, il ne change pas. Les hommes, quand ils ont eu leur femme, ils avaient des bons sentiments. Quand ils ont commencé à découvrir quelques faiblesses, les sentiments pouvaient changer. Mais Dieu ne change pas. Il nous garde de la même manière. Oui, frère. Mais pour avoir quelque chose devant Dieu, nous avons dit, nous devons accepter la chose comme elle nous est destinée en particulier. Quand j'ai reçu la prédication, je la reçois comme quelque chose de particulier pour moi. Amen. Amen. Et ce qui est dans la prédication, conforme à la parole, c'est la parole que Dieu m'a destiné. Na kile kiko mumabubiri kinabatana na maandiko njo neno ile Mungu alitumia. Et puis, na kisha je confesse la chose. Niko na kiri kile kitu. Pourquoi? Jua nini? Nous avons vu hier. Tuliona jana. Que Dieu, notre Seigneur Jésus, sema Bwana wetu Yesu Kristo, il est le souverain sacrificateur. Yenjo mkoani mkuu. Il intercède pour nous devant Dieu Mungu, sur base de ce que nous confessons qu'il a accompli. Yulu ya ile shiturikiri jua itimize. L'unique manière de dire la vérité, c'est dire ce que Dieu dit. Namna tumoya kusema ukweli ni kusema bile Mungu alisema. Celui qui ne croit pas le témoignage de Dieu en Jésus-Christ, il fait de Dieu menteur. Alors dites, quand Christ est mort, Christ alikufa, il m'a sauvé. Alinyokoa. Quand il est ressuscité, alifufuka, il m'a justifié. Haki, il m'a sanctifié par la parole de la vérité. Neno ukweli, et par l'obéissance de ma foi, kutifu, na il m'a amené au baptême du Saint-Esprit. Pour moi, toutes les promesses liées à la rédemption, malako yote yenye kuambatana na ukombozi, devant Dieu, mbele ya Mungu, ou en Dieu, wala ndani ya Mungu, il n'y a que le oui. Kukupaka ndio. Chez Dieu, kwa mbele ya Mungu, il n'y a pas même temps oui et non. Akukalake ndio wala hapana. Ce que vous demandez dit oui. Kile mtaomba anasema ah ndio. C'est ta foi. Ni imani yako. Tu feras que vous puissiez arriver à la chose. Itafanya upate kufikia kukitu. Amen. Amen. Nous devons confesser ce que nous voulons expérimenter. Tunapata kukiri bile tunapenda tuonje. Par notre foi, kupitia imani yetu, nous sommes justifiés. Tuko wenye kuhesabiwa haki. Mais quand nous confessons, tunakiri, nous parvenons au salut. Tunafikia kokovu. C'est ce que nous avons lu Joye tulisoma, dans Romains chapitre 10. Roma sura 10. Quand nous croyons, wakati tunaamini, naturellement, Jésus Atika, est notre sauveur. Yesu Christu, mkombo, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Namura, mfufula, toka, afu, nous sommes sauvés. Tu n'es pas cocolé. Par cet incroyant du cœur. Tu parviens à la justice. Kuwaki, et en confessant na, de la bouche. Kukiri, kukinyo, on parle le salut. C'est une petite prédication pratique. Ni, amen. Amen. Et là, la, pale, la troisième étape, atatu, agissez comme si vous avez déjà la chose. Tenda sa unecha kushika, usha kupokea kitu. Elle est pour vous. Et nikenu, c'est à vous de l'expérimenter. Ni mwejo, ile. Est-ce que l'église est là? Est-ce que pale, nous avons dit mes frères, mabanduku, si on prie pour vous, kama wanakuombea, le démon de gastrite, ma demona ya estomakuma, quand tu souffres cette wakati maladie, il y avait d'autres aliments que tu ne pouvais pas kukua machakula ila kwanze kula. Maintenant, une fois compris pourquoi, une véritable foi, quand tu rentres à la maison, tu prends les choses qu'on t'avait interdites à cause de la gastrique, tu les prends. C'est ça la foi. Mais il ne faut pas aller à la maison. Moi, je ne mange pas l'oseille, je ne mange pas le fait de manioc, je ne mange pas la ricotte, je mange ça, j'aurais des maux d'estomac. Mais pourquoi tu avais demandé la prière? Vous allez tourner en rond. Ou dans Jungluka tout. Et Jacques dit un pareil, un homme comme ça, c'est un homme irrésolu. Il n'aura rien dans sa vie. Vous devez être fort. Nous n'avons pas Imara. Amen. Nous imitons Frère Branham dans la foi de notre bien-aimé Frère Branham. Tu n'as pas tissé imani andoku Branham. C'est comme je vous ai lu dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Écoutez dans la prédication. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et Banam raconte ce qui est arrivé. À cause de la gastrite. Dieu ne lui a pas facilité la chose. Pour dire, non, moi, oh Dieu, il... Oh, où est-ce que je suis? Attendez, je suis presque là. Et dans la prédication intitulée « Montre-nous le Père et cela suffit. » Où est-ce que je prie? Montre-nous le Père. Ok. Le diable ne peut pas me le ravir. C'est une prédication prêchée le 25-6-55. Montre-nous le Père et cela nous suffit du 25 juin 1955. Or, quand vous devenez chrétien, vous venez confesser que Jésus est votre sauveur. Et ayez l'habitude de dire: le Seigneur Jésus est mon sauveur, il m'a sauvé. Pourquoi la joie de Kusema, Bwana Yesu mukombozi wangu alikaniokoa sema. Ça ne vous coûte rien. Aikuve au taripa kitu. Croyez-vous cela? Amini ile. Une fois que vous êtes dehors, wakati uko nje, vos amis critiqueurs diront, baarati yako bakaze bakuzarau batasema, je ne vois aucun changement en vous. En tout cas, ndani yako sione mabadiliko hata. Ce sont les moqueurs qui disent ça. Bakuchekelea wanasema kulika kumpona. Je ne vois pas de changement en vous. Badiliko hata moa mishione. Mais vous, lakini wewe, unaamini kusema, ya kusema kuko ubadiliko. Tu y avais des choses secrètes que tu gardais. Pourquoi la Bible dit que tu as dit que la parole a cogné le cœur? Quand tu as dit que tu as confessé, la parole a touché le cœur. Neno likusa moyo. Le cœur était brisé. Moyo kwenye kuvunjika. Tu es resté. Unakubakia. Unasema na mimi ndani ya Bwana. Unipeleke mayo batizo. Ah, pale ni mabadiliko sasa. Mwanzo kwake na ile. Jo mwanzo ya mabadiliko. Amen. Amina. Je ne vois aucun changement en vous. Mais vous, mais vous croyez qu'il y en a un. Si vous vous mettez à agir na par conséquent. Et puis, peu après, tout le monde constate qu'il y a un changement. Ça, ça va tout bien, je vais t'en faire quoi badiriko. Il y a des gens dans le faux évangile. Mon injili abo abongo. Non, Dieu fera. Bana Mungu atafanya. Je vous ai dit. Il m'a bien fait mal. La parole, c'est un miroir. Neno nirikalashi. Elle vous montre votre visage. Iku na konesha uso yako. C'est à toi d'aller prendre de l'eau pour enlever les déchets dans les yeux. Niweye njo tabeba manjo kwenda kutosha mapocha macho yako. La Bible dit. Je viens sema. C'est Jacques qui dit. Yakobo jo na sema. Mettez la parole en pratique. Tumikieni neno. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Ushishimamie tu kushikia. Dites amen. Useme kwa amina. C'est l'écriture. Ni andiko. Oui. Dieu. Ok, puis après tout le monde constate qu'il y a un changement. Voyez, Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut rien faire pour vous juste parce que vous acceptiez d'abord cela. Asiwezi kufanya kitu hata kimoja kufika na pale mtechika mbele ile. Hapa bibi yetu tunao kwa nyumba. No femme qui nous avons à la maison. Alikuwa na binti kwa nyumba ya sasa. Elles étaient des jeunes filles dans la maison de leurs parents. Unatoka. Tu es quitté. Ah, jambo dada. Ah, bonjour ma sœur. Chez Lombaka ma permission kwa pasteur Mukendi. Nous on avait demandé la permission à pasteur Mukendi pour aller à l'église. Nous sommes arrivés, nous voyons le pasteur Mukendi. Je suis venu Zizi pour chercher la femme. J'ai commencé comment? Je vais t'épouser. En bref. Tu as parlé. On a sema. Ça frappait aux oreilles de la jeune fille. À Binti. La jeune fille dit. Elle est la jeune fille. Toi tu viens d'où? Je viens de Cambo. Je suis au Cambo. Voilà. Okay. Parlez. Non, mais t'as dit. Ah, je vais te répondre. Après une semaine, deux semaines en arrière. Jumambi, il t'appelle. Faire une enquête. Elle a fait d'abord les enquêtes. Et, fait un et puis, elle a dit, j'ai accepté. Amen. Amen. Dieu. Mungu. Au moyen de la prédication. Quand Jili a dit, confie à Jili, il nous donne la parole. Voulez-vous être le membre de l'épouse? Nous disons oui. La jeune fille, elle avait accepté, c'est pourquoi elle se trouve dans le mariage. Si elle n'avait pas accepté, elle ne pouvait pas se retrouver dans le mariage. La foi, cela se coûte mani musemo mkubwa. Acceptez. Itika. Croyez. Amini. Amini. Croyez. Amini, c'est un mot difficile. Mais toi, mon gars, chikake bien. Les enfants de Dieu ne comprennent pas. Acceptez. Acceptez ce que je dis. Acceptez. C'est juste pour toi. Amen. Amen. C'est si simple que ça. Ni abu kepesi. Itika. Acceptez. Ok. Il dit, puis vous vous mettez à agir en conséquence. Pas le nanza kouten na joie élément. Puis peu après, Kisha, tout le monde constate qu'il y a un changement. Pas tout beau ça on a fait quoi basi ou basi. Quand l'heure sonne pour aller au culte, ça il n'est à cause de Calista. Ah, pas de quoi on va dire quoi. Nous tous on parle tu rentres au Kembeaka. Quand nous étions les enfants qu'on marchait, on a engendré les enfants. Tu vas commencer avec l'enfant. Mutende manamana. Je nous dis. Enda tu viens zolo. Ananza kutembea. Kembea, Kembea, tu kule nkuku mas. Tapaka moya ananguka. Premier pas, l'enfant tombe. En arrière. Et il pleure. Ah, la maman la pleure. Le Saint-Esprit est saisi. N'aie pas peur. Tu vas marcher. Comme ceux qui t'ont précédé, ils marchent. Cet amour que la maman manifeste à son enfant. Il est ma peine de maman en qualité comme tout le monde. C'est rien par rapport à l'amour de Dieu. Il est en ma peine de maman. Il est en qualité comme tout le monde. Wakati ananza kutembea njia ya mtakatifu. Le Seigneur est là. Bwana yuko pale. Eko na mbamba mkono. Asema tembea. Udanguka. Oh. La muka kankamana. Upendwa. Uendelee tena. Endelea tena. Et puis kisha utaanza sana ukimbia. Njo ile. La nature nous enseigne. A-t-il une autre fondation? Oui. Dio. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut rien faire. Amen. Amina. Pour vous. Bueno. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'abord. Jusqu'à la parole où c'est dit qu'à quoi là. Il est membre. Et vous confessez que c'est déjà fait. Na on a qui l'a observé? Il est chafanchika. Il amènera votre corps. Atapele kasa mwili yako. Si c'est le corps qui était malade. Ni mwili le kwa mgonjwa. Kama ni mwili kwa mgonjwa. Si c'était une nature du péché. Kama ni asili ya dhambi. Écoutez. Il amènera votre nature. Atapele ka asili yenu. À se soumettre. Il pate kujitiishi sasa kuneno lake. Unaelewa sasa? Vous devez agir. Munapata kutenda. Juste comme si c'était fait. Sawa ile mambo nesha fanchika. Gardi. Petro anasema. Je toi ordonne que je marche. Bwana kama ni wewe uniruhusu mimi nitembee. Dieu le Seigneur lui dit. Bwana kamwambia. Marche. Tembea. Quand le Seigneur lui dit marche. Wakati Bwana mwambia tembea. Les eaux. Mai. Étant une créature de Dieu. Maumbile ya Mungu. Ilisikia. Ya kusema mumbaji wake. Anaruhusu Petro. Apate kutembea yule yake. Na pale bapashi kujitayarisha jua ile. Na Petro anaanza kutembea. Mungu anasema ma. Tu as dit ma tembea. Atana bo keza ijene pendant 3 jours. Ile ni banaita kasa kuto kwa mini. Bakapale wana kombea. Là où on a prié pour toi. Au même moment où chaque paquet. Montre-toi. Ujonekanishe. Ça où chaque paquet. Agis en conséquence. Tienda ça où chaque pata. Tu es une fille de Dieu. Uko bitu wa Mungu. Voilà l'amour. Dio mapendo. Que Dieu manifeste envers nous. Ile Mungu aronekanisha kwetu. Nous appelons. Muku tuita. Que nous sommes ses enfants. Ya kusema tuko batoto yake. Na njo kile tuiko. Que nous serons. Kile tutakuya. Aki aonekana. Lakini wakati kitaonekana. Nous le verrons. Tutamuona. Et nous serons semblables à lui. Na tutafanana naye. Marche. Que le diable ne t'effraie pas. Accepte cela. Amen. Amina. Comprenez-vous maintenant? Vous devez agir comme il s'est fait. Je me rappelle lorsque j'étais très malade. Je me rappelle lorsque j'étais très malade. Nous disons maintenant à ceux qui ont des maux d'estomac. Les gastriques, vu les Branham avait vécu la foi. Les meilleurs médecins que je connaissais ont dit que je ne pouvais pas vivre. Banganga bakubo bari miliyo aka bari nyambera sima shita ishi. J'avais des ulcères à l'estomac. Nilikuwa na bilonda mu estomac. Cela avait éclaté. Arifigamo na tapika na dawa. Il fait au point où frère Branham vomissait même le sang. Ils ont dit qu'une seule bouchée de nourriture solide me causerait une indigestion aiguë et que j'en mourrais après quelques instants. Bagnyambia kusema kama tunakula byakula bya nguvu atampa watu moya mitafikia mkufwa. Je lisais la Bible. Nilianza kusoma Biblia. Il y est dit. Nasema mune ndani. Lorsque vous demandez quelque chose. Wakati mnalomba kitu. Wayake vous recevez. Amini akusema mtao kipokea. Ceux qui étaient depuis le matin ici. Mara barikuwa patanya asubuhi. Croyez. Waamini. Que Dieu vous lui avait demandé. Ya kusema bila mlimomba Mungu. Et votre. Uita kuita ubipata. Ni bienu. Vous devez confesser. Mna pas ukiri vile. Je me suis mis à dire aux gens. Miri kianza kuambia bantu sasa. La fa de sou n'existe pas de miwe. Que j'étais guéri. Et on s'est rendu compte que ça tunziwa. Et on a dit à bantu. Il disait aux gens. Par rapport à la foi dans la parole. Quoi, kwa fatana na imani ndani ya neno. Mais quand même il avait la douleur. Oui, ça. Vous êtes comme des Thomas, Thomas. Si je vois, taona, alors je croirai. Je parle mitamini. Mais si tu connais imani afema. Nous avons la foi. D'abord, si nous croyons, wakati tunaamini, c'est alors que nous verrons la gloire. Je parle tutaona utukufu. Croyez. Amini. Vous verrez la gloire. Tutaona utukufu. Maintenant. Sasa. Lorsque j'avalais ma nourriture, elle avait tendance à remonter. Il quoi na saigu na panda tena. Je disais, oh non. Mirianza kusema pana. Je tenais la main sur la bouche. Mirianza kubamba pa kinywa. Ah, tu ne vas pas sortir de la bouche. Tu restes là l'estomac. Je ne sais pas comment il est fort. Mais tu es quand tu casses. C'est quoi mini? J'ai déjà cru. Oui, kilonda. Toi, l'itse. Mina. Je suis en train de manger, c'est comment interdit. On verra si tu vas me tuer. Si tu es grand plus que celui qui accuse de toi. Il continue en disant. J'ai ravalé cela. Dieu avait fait une promesse. Je descendais la rue. Les gens me disaient. Salut frère Branham. Ah, salam unduku Branham. Comment tu t'es senti? Ah, unashikia koje leo. Je disais. Le Seigneur m'a guéri. Bwana leta ntuza. Utukufu wa Baba. Mais une grande bouchée était remontée. Lakini chakula ilianza kupanda. Pour me faire honte à ma confession. J'avais ravalé cela. Et je disais, Satan, ouais, Satan, si tu ne veux pas m'entendre témoigner, tu feras mieux de t'en aller. Car je crois que Jésus a dit la vérité. Si tu veux donc rester ici, tu m'entendras certainement témoigner de sa puissance. Toi, Satan, je vais te gêner avec ma confession. Parce que Christ n'a jamais menti. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Amen. Quelqu'un qui se tient là pour se faire peur. Et tu le tiens avec des yeux hautains. Il regarde haut en bas. Unafanya sana hapo. Tu fais comme s'il n'est pas là. Unasumbulia paka huko. Et tu parles de l'autre côté. C'est comme ça que nous devons faire. Je veux tu n'as pas ce kufanya na shetani. Il est vaincu. Anaweza kumbasha mshinda. Il nous a été soumis plus de 2000 ans. Kuna kwa kadiri miaka 2000 baada kumtiisha mkulu Yesu. Atupatia uwezo kutembea juu ya nyoka na nge na ile uwezo yote azii. Na hakuna kitu hata kimoya. Hakuna kimoya kinachoniharibu. Anasema ukweli. Alors, sasa, il dit, anasema, et quand je suis allé me présenter chez le médecin, mwakati minenda kona na banganga, anashanga, il s'est étonné, il me dit, aniambi, avez-vous changé de médecin? Uribadisha banganga? Je dis oui, monsieur. Il a dit, mwananchi, qui, c'est qui? Ni banganga kani mwenye uli? Docteur Jésus. Atema, Munganga Yesu. Il dit, anasema, il se grâce d'abord. Ana ipalua même kichwa munganga ipalua kichwa. Anaweka lunettes parfois. Il a retiré d'abord ses lunettes au niveau du nez et commence à se gratter. Ananza kusema. Et commence à dire. Unasema nani? Tu as dit qui? Docteur Jésus. Docteur Yesu. Maintenant, ana me poser question. Il a posé la question. Mais oh, je ne crois pas avoir déjà entendu parler de lui. Et lui-même le médecin continue. Alors, où se trouve son cabinet? Le cabinet. Dans ce cabinet se trouve dans la gloire. C'est là que se trouve son cabinet. Mon cabinet. Mais sa puissance est ici. Changez de médecin. Quand un médecin te dira, il n'y a plus d'espérance, il faut enlever ça, on doit couper les trompes, on doit tourner la semaïve. Muntu ule arifanya motoka, celui qui a créé de véhicule, la moto, il a fait aussi ma pièce ya kubadilisha. Si ici ça prend de l'âge, on peut prendre l'autre, on en remplace. Maintenant, Dieu lui, qui te crée toi, mais qui manque pièce de chance pour ton corps. Vous devez croire à l'impossible. On n'a pas trois mille coups de la biwazekane. Notre Dieu, il est spécialiste. Et comme coups dont les hommes sont incapables. Dans, il y a des trompes neuves, même pas neuves. Dans le, son réserve, il y a encore bintu biaitasa. Comme un zombie l'a détruit. Si le péché n'arrive, le diable te dit, c'est un yana kwambia. Bomunganga kwambia. Tu es azospermi. Apa auna tena na mbeko. Mambeko yako haitazalaka. Mambeko ne produira jamais. Aïsa ne va pas marcher bien. Ça c'est le diable. Il est ni chétan dio la tema. Tout ce que Dieu créé au commencement était bon. Yote Mungu anaza kumba kumwanza kwa vizuri. Ni chétani. Il a déformé. Dieu alikuwa na labisha. Sababu ya zambi. Wakati Mungu anakurumia. Il est là pour te guérir. Eko pale Dieu akukutunza. Chaque maladie, magonjwa yote, les azospermies, il est kukosa kwa mbeko, amen, par la foi, kupitia imani, une simple prière, maombi tu kidoko, on va aller tester et il commence à avoir des enfants, commence à avoir des enfants, est-ce que l'église est là? Kanisa kupai, je me souviens, na kumbuka, frère. On a quoi qu'on y tembelait, bon, souvent, on a couillé à quoi, on fait penser à Mukenge. On fait penser à Mukenge qui venait souvent chez moi. De Monédite. Au Monédite. Ça, c'est un chat qui vient à Naubira, Naubira, qu'on a eu, chat, on est la cognon. Après avoir prêché, nous sommes restés à la maison. Un frère est venu de Benamulumba, juste à la bifurcation de Sengamine. Il est ça, Sengamine, qu'on a tout mis à couler, quoi, tout. Donc, moi, en tout cas, au Benamulumba, couler, caribou, à Sengamine. C'était dans une autre, une église sœur. Quoi, Nikanissa, et tout, et bien. Arion Abibi. Il a épousé, deux ans. Ils ont fait deux ans dans le mariage. La sœur, elle était encore vierge. Et ce n'est pas un sacrilège ici, j'enseigne, je suis sérieux dans ce que je dis. Maintenant, ça, le frère n'a jamais touché même sa femme au sein. Mais quand même, Mario, quand même un bon frère. Mzuri, il est ministre pour le moment. Mubiri, alors, pourquoi tu m'abruis? Je l'appelle. Pourquoi tu m'as maquillé? Je lui ai appelé. Il commence à Nilanda. Il a commencé à me mentir. Je l'ai grondé. Il a me foqué. J'ai appelé la femme. Bibi. Ma soeur, tu as combien d'années d'abord au mariage? 2 ans. M'a dit 2 ans. Il n'y a rien. Dans la maison, à mon acquis. Mon Dieu. Vous êtes comment vous? Tel que vous le comprenez, pasteur. Je veux me dire que ton mari ne te touche même pas au sein. Jamais. Je suis encore. Alors j'ai grondé le frère. Cette maladie, est-ce qu'on peut avoir honte de ça? Pendant que je l'ai grondé. Vous êtes dans le frère, il était là où il y a. Tel que là où il y a l'ancien. Mais dis, frère, envoie-moi tes frères. Ils sont allés là où il y a l'ancien. Avec les frères, ils ont commencé à gronder. Il les a grondés. Avec colère. Et dans cette colère-là, nous avons prié pour le frère. Dans la colère, la sœur a senti menacé ce qui se passe dans le mariage. Premier enfant garçon. Deuxième enfant garçon. Troisième enfant garçon. Quatrième mwanaume. Amen. Mungu eko na uwezo. Eko mumbaji. Unapasi kwa mini. Unapasi kukiri. Eko na leta. Eko na umfanya upia. Eko na rudisha. Eko na leta tena. Kile shetani alitunyanganya. Eti mnaamini. Ushangee ba medecin. Badiri kiranga. Tu dois changer le médecin. Ceux qui disent ni beau. Que tu n'as pas d'enfant. Mais c'est Dieu qui donne la fécondation. Nous aussi, nous n'assèmes à couvrir le banganga. Nous disons aux malades, venez, nous avons un spécialiste. Tout qu'on a reçu à Sana. Nous avons habité tout ça, habité bateau, balade, naka. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dada, une soeur avec 4 enfants. Elle a des problèmes au niveau des vaccins. On est allé voir des gynécologues. Ils ont dit son mari dans les secrets. Vous avez combien d'enfants? 4. 4. Angare malari. Gana malari. Ça va t'emporter ta femme. On la regarde avec ses trompes. Son utérus, elle va mourir. Ou bien tu touches matrice. Soit on enlève l'utérus. Ah, mon touche matrice, il va qu'elle a vivant. Enlève-moi ces trompes-là, je vais rester avec ma femme, on a enlevé. Mais informé Vivi. Mais on n'a pas informé la soeur. Ça est de chaque année. Non, les gens sont avancés. Ça, une année, moi, 4 ans, 2 ans, mon capille, 3, 4 ans. On a déjà enlevé les trompes. 4 ans. Mais elle a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça fait des problèmes à son mari? On a dit qu'il est bon. Mon mari. Quand il est parti à l'hôpital, qu'est-ce que tu as dit? Comment est-ce que je n'ai pas d'enfant? Après une année, 6 mois, je tombe toujours enceinte. Et il y avait des problèmes à la maison. Allons auprès du pasteur. C'est le femme Kenya. J'ai vu la sœur. Million d'adar. Quand ils ont fait des campagnes pour moi, quand ils sont venus à témoigner chez moi, il a jeté même l'enfant. La femme, on a enlevé de la trompe le terrible qui prend l'enfant. Alors rien d'impossible. Kumbele à Mungu, akuna kintu kina shindikanaka. On a dit à la sœur. La femme est là, la sœur est là, qui dit au pasteur, qui a regardé votre frère, qui a envie de m'avoir des enfants, c'est quoi? Tu cherches quoi? Moi, que je puisse avoir des enfants. Chez nous, là, mon édite, il y a l'hôpital Christ Roi. Coucou, l'hôpital on appelle Christ Roi. Moule Kasongo ni Branamiste, il adore Branam. Il y a un gynécologue Branamiste. C'est lui qui avait opéré la sœur. On les a prié pour eux. Une simple prière. Mungu, ne donnez pas de limites à Dieu. Premier moi, après un temps. Imani, la foi muneno la Mungu, dans la parole de Dieu mukaja ukombozi, dans l'œuvre a retourné l'utérus Et les gens ont commencé à dire, c'est quel genre de blague? C'est quelle blague? Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? On a élevé les trottinettes. Nous avons un Dieu qui agit. Le véritable Dieu qui répond aux prières. Dis aux gens, nous avons un Dieu qui répond aux prières. Amen. La grossesse et l'enfant est né. Ils sont allés seulement là-bas. C'est Katongo. C'est ce qu'on m'a dit. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le remercier. J'ai toujours dit aux gens, si vous ne croyez pas que Dieu va exaucer votre prière, alors ne faites pas de bruit. Ne prie pas. Mais si tu crois qu'au ciel, il y a un Dieu qui exauce aux prières, quelle que soit la requête, quelle que soit la demande, tu n'as jamais demandé de marcher sur les eaux, quelle que soit la demande, frère, ma soeur, crois, demande, prie. C'est lui qui nous a donné sa parole dans la Bible. C'est le Dieu de vérité. Psaume 119, verset 160. Le fondement de cette parole, c'est la vérité. Dans la bouche de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Priez, demandez, le message que nous avons reçu, c'est le message de restitution. L'ennemi vous a ravi la paix, l'ennemi vous a ravi la santé, l'ennemi vous a ravi je ne sais quoi, Dieu restitue. Il a restitué à Job ce que l'ennemi lui a enlevé, et la richesse, et les enfants, et la richesse au double. Prions tous ensemble.